Le 12, les hôtes étrangers et les compatriotes coréens de la diaspora, comme la délégation du Parti socialiste de la République de Moldavie, la famille de Chi Ching, chinois lié à la guerre anti-japonaise et sa suite, la famille de Kim Sun-ok, coréenne en Chine liée à la lutte révolutionnaire anti-japonaise et sa suite, la famille de Son Ante, coréen d'outre-mer de connaissance du président Kim Il-sung, et le groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine pour célébrer la journée du soleil, ont déposé les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.